merci beaucoup. C'est un peu De comme rien. dans Jasmine, finalement, on a eu un rendez-vous manqué. Oui, c'est tous les temps amoureux, c'est comme ça. Hein, c'est. Trop tôt, trop tard, c'est un peu. Au début, ça commence bien, puis ensuite, ça se décale, en fait. C'est une C'est pas semaine grave. agréable quand on vient présenter un film comme Jasmine dans un festival énorme comme ça. Oui, c'est très agréable. Oui. Mais de rencontrer des gens qui font la même chose, déjà, c'est toujours émouvant, ça. Et puis, professionnellement, c'est intéressant. Oui, je trouve que c'est très, très bien. Bah, je vais prendre le Ouais. micro là-bas, excuse-moi. On va. Est-ce que c'est C'est étonnant de étonnant de faire faire un un film film quasiment quasiment tout tout seul. seul, enfin, dans son coin pour soi, et finalement d'avoir des salles de 800 personnes qui réagissent? Oui, ben, seul. Oui, je l'ai achevé seul ce film, mais d'abord je l'ai commencé avec un producteur, après un deuxième producteur, puis une équipe qui m'a suivi. Ensuite le financement n'était pas là, mais mon désir était toujours là. Donc j'ai continué tout seul. Donc, mais ça reste un film d'équipe en fait. J'aurais pas pu le faire tout seul. Ça reste, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont tendu la main vers ce projet, qui ont réussi à le faire exister. Bon, évidemment, j'avais mon désir et j'avais surtout envie de le faire. Hein. J'étais prêt à tout. Après, d'arriver à Annecy, d'être comme ça éclairé, c'est à la fois magnifique et ça dépasse un peu. Mais le film aussi, il est là-dessus, sur le fait qu'on manipule les bonhommes, il avait des fabriques, il les manipule, ensuite il est dépassé par ces bonhommes. Donc, c'est aussi. C'est un peu la vie, ça. Comment réussir à faire quelque chose d'intime, de réussir à en faire un film pour justement un public? Oui. Déjà, un peu pris de la bouteille, on a éteint le sentiment amoureux. Et puis, moi, je suis formé au documentaire, donc j'ai essayé d'abord de mettre à plat l'histoire, quelle histoire j'allais raconter. Donc l'histoire était simple, en fait, c'est quelqu'un qui retrouve des lettres aujourd'hui, des lettres d'une amoureuse d'il y a 30 ans. Et donc ils se souviennent d'être partis à Téhéran, d'avoir vécu la révolution avec elle. Et puis il se souvient aussi de l'étouffement de leur sentiment amoureux avec les mollahs qui arrivent, ce truc impossible, et le fait qu'à un moment il a abandonné à Téhéran. Donc une fois l'histoire installée, il a fallu se poser la question de comment la montrer, quoi. Donc déjà faire un inventaire du matériel que j'avais, les dessins, les aérogrammes, la pâte, les anciens films que j'avais. Des anciens films en plus qui étaient en écho de ça, quoi. L'échelle, c'est des personnages qui sont les uns sur les épaules des autres et qui montent très très haut. Et quand ils arrivent en haut, celui qui est le plus haut, il saute sur l'échelle, il redescend. Quand il arrive en bas, il arrive en bas, il remonte la pile, ce qui permet à studio de sauter sur le haut de la pile et de redescendre. Déjà, j'ai retrouvé ça, le fait que je m'ennuyais en France, donc j'avais besoin de trucs. Et ensuite. On va en amener une autre. Attends, Et ensuite, le deuxième, c'était la fleur. Donc, c'était un type jeune qui est face à une fleur, qui est assis à son bureau et face à lui, il se dresse une fleur. Et dès qu'il s'approche, la fleur se fane. Donc, il revient à son bureau et dès qu'il s'assoit, pof, la fleur renaît. Donc, il se rapproche, elle se fane jusqu'au moment où il devient très vieux, quoi, qu'il est vraiment très. Donc ça, c'était la tante de Jasmine. Et le troisième, c'est la boule. Donc c'est un univers de personnage qui est assis sur un gros râtelier. Et ce râtelier est suspendu à des ficelles. Et cette ficelle est équilibrée par une boule. Donc la boule équilibre le râtelier. Et sous la boule, il y a une communauté de bonhommes qui vivent aussi, quoi. Et donc c'est vraiment, ça m'a rappelé ce côté. L'Iran, en fait, c'est un magnifique pays, mais voilà, on n'a pas les codes, on ne comprend pas. Et donc j'avais mis en place cette situation qui correspondait à ça, quoi. Et inconsciemment, j'avais un peu raconté ce que j'arrivais pas à. Voilà, Parce que c'est ça l'idée, c'est le retour à la fois à ce personnage, Jasmine, à ce voyage, mais aussi à l'animation. c'est le retour à ce voyage, c'est aussi le retour au plaisir de la pâte, en fait. Parce que l'animation, c'est. D'abord, c'est une technique, mais c'est surtout la sensualité de la pâte, je crois. Ce qui m'a le plus étonné quand on dit la pâte à modeler, c'est qu'elle est encore dans le sachet, quoi. Mais quand on la sort du sachet, elle devient une matière, en fait. Et cette matière, quand on l'a dans la main, petit à petit, en la modelant, elle se réchauffe, elle se détend, elle s'alanguit. Et donc, c'est quasiment un rapport amoureux, quoi. Et je me dis, ce serait pas mal que cet animateur, il raconte cette histoire amoureuse, justement, en allant vers ce sentiment-là d'amoureux qui est difficile à définir, qu'on ne peut pas montrer, qui n'existe pas en archives, mais qui existe dans nos cœurs, dans nos têtes, quoi. Et donc, grâce à ça, et cette relation à la pâte, je pense qu'on pourrait aller plus loin qu'un simple documentaire sur... Voilà, enfin, voilà, c'est un peu mon challenge. Comment ça s'est écrit, Jasmine? Il y a eu la partie animée qui a été écrite d'abord, puis après la prise de Virel. Parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées les unes dans les autres, avec aussi les images d'archives, bien sûr. Ça a écrit... Enfin, moi, au départ, c'était, l'idée, c'était en fait, on va réserver la grande histoire à l'archive INA. Donc, les archives INA, les journalistes qui racontent au jour le jour les événements, ça me permettait de me dégager de la grande histoire et me consacrer à la petite histoire, quoi. Et donc, quand j'ai mis la petite histoire, entre guillemets, en plus, mais c'est celle qui m'intéresse le plus, évidemment, mais... Et en restant sur cette petite histoire avec les bonhommes qui racontent, petit à petit, on s'est tellement attaché à ces bonhommes qu'en fait, on s'en fout, enfin... Entre guillemets, on s'en foutait de ce qui s'est passé en Iran. En plus, c'est très connu, j'allais rien amener de nouveau dans cette chose-là. Et donc, c'est devenu, au départ, c'était moitié animation, moitié archive, et puis petit à petit, c'est devenu quasi que de l'animation, quoi. Donc, ça a changé à la fois le rapport économique, puisqu'on avait une coproduction avec INA. Ça a tout changé, en fait. L'économie, ça s'est transformé au profit d'un film qui devient... qui s'est écrit comme ça, presque au jour le jour, presque au chemin faisant. Quoi. Il y a eu beaucoup d'improvisation, donc, dans le... tout en ayant une trame très très forte, évidemment, oui. Mais dans la continuité du film, il y a eu beaucoup, alors que ça a été fait au montage par la suite. Non, c'est-à-dire que moi, la posture pour moi, elle était de me mettre face à des... faire retrouver la pâte, donc cette sensualité de la pâte, mais aussi de mettre en ma mémoire, de la mettre en forme. C'est le bonhomme, c'est ma mémoire, en fait, qui est comme ça. Et le documentaire, il est vraiment... C'est la spontanéité qui fait qu'à un moment, un peu documentaire, il peut avancer. Et donc, la spontanéité dans le dessin animé, c'est très difficile d'avoir ça. Alors que dans l'animation en volume, on peut très bien mettre en place un personnage. Et petit à petit, je pose le micro. Je le fais avec les doigts, parce que je parle avec les doigts. Et donc on anime, on fait une image, on enlève une image. Et petit à petit, on est parti avec ce personnage. Et petit à petit, on prend ça quasiment en étant en empathie avec lui. Et le personnage, il part tout seul, quoi. Il raconte une histoire encore plus belle que celle qu'on lui a imaginée. Donc, et cette spontanéité, elle est là, quoi. Et donc là, il convenait d'avoir une intention générale. Et ensuite, ce petit bonhomme, en fonction des situations qu'il retrouve ou avec elle ou sans elle, on définissait une séquence. En prenant un premier plan, un deuxième plan, et puis petit à petit, on essayait de le laisser partir. Ben, j'ai essayé de le laisser partir. Ouais. C'est des grands auteurs comme Jerry Trenkin, Marionnette, qui disent que. Ou Barry Purse qui dit à un moment donné, moi, la marionnette, des fois, je me rends compte que je ne raconte pas son histoire, et donc je la laisse partir. Là, tu t'es laissé guider par ces personnages, finalement, au bout d'un moment donné. Oui, à un moment, on sent qu'ils racontent une histoire, les personnages. Ils sont partis, ils sortent des doigts, et ils racontent une histoire encore plus belle. Vraiment, c'est des fois des choses où c'est. On réfléchit pas, c'est vraiment l'instinct qui fait qu'à un moment, pof, ça existe tout seul et on sent qu'il est parti, pof, il part et il raconte, quoi. Donc la maîtrise, en tout cas l'expertise en documentaire de prise de vue réelle que tu avais avant, elle était très importante dans ce film-là pour travailler l'animation un peu différemment que même tes premiers courts-métrages. Oui, c'est vrai que j'étais moins coincé sur le fait d'y mettre la main dedans, d'avoir des traces de mes doigts au milieu sur la pâte. Ça me gênait plus, ça, c'était pas... Alors qu'au début, on essayait de faire un trait propre, de faire un... Là, ça me gênait plus, et puis le fait d'aller dans comment on peut dire ça, je poursuis dans l'idée du... Quand tu laisses partir un personnage, lui, il vit à 24 images par seconde, quoi. Il est vraiment dans sa situation. Mais toi, quand t'as fini, t'as repris sa vie, quoi. Donc, t'es complètement ralenti. Et je me souviens de sortir du studio et de dire bonjour. Quelqu'un me dit bonjour, j'ai dû mettre 3 minutes à dire ben salut, ça va. T'es complètement décalé. Là. Et dans ce décalage aussi, c'est important dans une relation amoureuse de jouer aussi ce décalage, de le prendre en compte et d'avoir ce côté trop tôt, trop tard. Qu'il est décalé, il bosse, il est investi, mais il est quand même en retard ou en avance. Et c'est finalement aussi un film sur les souvenirs, donc c'est forcément aussi sur une réalité qu'on réapprend au fur et à mesure qu'on la retrouve. Et l'animation, est-ce que le temps de l'animation, du tournage de l'animation, permet ça justement de se réapprivoiser finalement cette histoire ancienne? Le temps d'animation, ça permet de se réapprivoiser une mémoire, mais à la fois ça permet aussi de la rendre encore plus fausse, quoi. On se dit, voilà, c'est plus joli comme ça, ou c'est plus élégant de tourner comme ça. Toi, il y a une. Comment dire. La mémoire, c'est un élément, mais dès qu'on commence à la modeler, ça devient. On en fait un récit, ou on se la réapproprie, quoi. Et donc, les mêmes scènes que j'ai vécues avec Jasmine, à un moment, elle me racontait des choses, je ne me rappelais même plus de ça. Voilà, ouais, la mémoire, c'est quelque chose de faux, quoi, en fait. Comme la pâte, hein, c'est très mou, ça peut se mettre d'un côté, pousser, tirer, enfin, on est vraiment. Hein, mais je n'ai pas répondu peut-être à ta question. Si, si, non, c'était juste l'idée. Si, ça répond, sauf que ce n'est pas forcément dans le sens de la question, mais au contraire, c'est très bien, c'est juste cette idée du temps du tournage, et finalement, on sait bien que c'est long de faire une scène, on sait bien, et donc il y avait cette idée de mémoire qui revient au fur et à mesure et de se dire, donc en effet, elle peut être trahie aussi, finalement, ce temps peut trahir quelque part cette mémoire. Oui, et puis il y a des choses qui peuvent se traduire dans la pâte et d'autres qui ne peuvent pas, quoi. Il y a des. J'avais pas envie d'aller vers les. Toi, c'est assez sanglant quand même. Il y a des moments où c'était un peu sanglant. Moi, j'avais des archives et tout ça, mais ça ne m'intéressait pas. Je voulais rester dans le sentiment amoureux. C'est-à-dire qu'un occidental qui va comme ça en Orient, qui ne comprend pas, il ne voit pas les signes et tout, il est complètement. Il vit la révolution dans les yeux de sa compagne. Donc je voulais rester à cette idée-là, quoi. Pardon, je trouve qu'il y a aussi une vraie. Alors, c'est toujours un peu compliqué le mot sincérité, mais je pense que ce qui est touchant aussi, c'est ce qui touche. C'est qu'il n'y a pas, justement, on ne livre pas les personnages. C'est-à-dire qu'en effet, je dis bien, j'arrive en Iran, je ne connaissais rien, j'y vais comme ça sur un coup de tête. Il y a des moments donnés qui sont durs, en effet, il y a des moments donnés voilà, d'abandon. Et on a l'impression qu'il n'y a pas d'envie de, quand même, d'enjoliver finalement cette réalité, de la mettre telle que tu penses, enfin, telle qu'elle a été, en tout cas. Non, l'enjoliver, je ne sais pas si. Non, ça, je ne sais pas, mais c'est. Est-ce que c'est l'idée du documentaire pour faire une question, pour préciser ma question? Est-ce que c'est le documentaire et travailler normalement sur la réalité qui la déborde à l'intérieur de Jasmine et l'idée d'avoir plus du factuel quelque part de ne pas rentrer dans une fiction. C'est-à-dire que Jasmine est vraiment cette idée documentaire dans l'idée de dire bah oui. Ça s'est passé comme ça, je vais vous le montrer, je ne vais pas tenter de mettre une musique derrière qui va enjoliver la chose, qui va d'un seul coup nous amener dans l'empathie des personnages. Non, mais là, l'idée de fiction était loin de moi, hein. C'était pas. Moi, j'aurais pas. Non, j'aurais fallu le concevoir autrement. Là, l'idée, c'est vraiment les lettres, et donc à travers les lettres, il revit des moments qu'il a, des moments anciens, mais à la fois, ça le transporte à. Ça le retransporte à Téhéran, mais c'est uniquement cette lecture de lettres. Quoi. Il sent ce rapport, enfin, on sent toujours dans les lettres ce rapport amoureux fort. Quoi. Et donc, aujourd'hui, 30 ans après, on peut se demander. Moi, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il est devenu, ce mec fou amoureux, qui était parti en Iran, il ne savait même pas où c'était, il était en Iran. Enfin, voilà, c'est un peu ça qu'on remue, en fait. Mais est-ce que donc, il y a cette. Entre guillemets, distanciation qu'on a des fois besoin dans le documentaire, là tu te dis qu'est-ce qu'il est devenu ce mec, toi, il y a 30 ans, donc est-ce qu'il y a cette direction de dire bah, tiens. Parce que cette distance elle est venue toute seule, enfin, j'en discutais avec les producteurs au départ, je ne voulais pas l'appeler Alain, je disais Pierre, il dit pourquoi tu l'appelles Pierre. Je dis parce que j'ai besoin d'une distance, quoi, d'être. Et puis c'est une histoire passée quand même, bon, elle est présente en moi, mais c'est une histoire passée quand on commence à la raconter. C'est bien d'avoir une distance, quoi, de dire il plutôt que je. Et je, c'est toujours, en plus, c'est une histoire aussi intime, je trouve que c'est très. Ça manque un peu j'avais envie de dire il. Quoi, donc le film a commencé, voilà, c'est ça, c'était l'idée de. Un mec qui fait. Okay. Un mec qui manipule tout. Ça se transforme quand même au bout d'un moment donné, plutôt en jeu, enfin, on le sent, c'est. Oui, c'est à la fois jeu, mais c'est. Comment dire. Dans les voix, par exemple, le problème s'est posé sur les voix. En fait, comme c'était mon histoire, tout était à moi, donc je me suis dit, bon, à un moment, ce serait assez cohérent que ce soit moi qui raconte, quoi. Et donc, je me suis mis dans le micro, devant la glace, j'ai appelé un copain, après un coach, après deux copains, après une copine et un copain. Mais c'était à chier, quoi. C'est vraiment très, très mauvais, quoi. Et donc, c'est là que j'ai appelé Robert Guédiguian. Je lui ai dit, tu n'as pas les coordonnées de Darroussin, parce que vraiment, je ne vois pas. Je le voyais bien, lui, quoi. dans sa voix et sa manière, je le sens assez bricoleur comme moi, quoi. Et puis quand il a accepté, je lui ai dit, moi, je n'avais pas prévu d'un acteur et je ne me sens pas de diriger un acteur. Et donc je lui ai dit, si ce serait possible, tu imites ce que je suis. Donc on a un peu discuté, et j'ai dit, moi, tu m'imites et que tu racontes l'image, enfin tu racontes cette histoire à ma place, quoi. Et donc à un moment, donc là, il m'a regardé faire avec mes hésitations, mes bégaiements et tout ça. Et puis après, on a repris le texte, et puis au moins, même sur les textes, il me disait, ah, ben là, c'est pas mal. Je crois que j'avais mis. Je recevais, et il me disait, si on disait, elle offrait, ah, je dis pas mal, ouais. Donc on a repris quelques éléments, et lui, il se les mis en bouche, et c'était assez magique, en fait. D'un coup, ce dialogue est important, oui. Et d'un coup, je me dis, tiens, il m'a raconté une belle histoire. C'était la mienne, mais bon. De nouveau, c'est une sensation quand même importante quand on raconte quelque chose presque d'intime comme ça. Oui, c'est de dire, voilà, c'est de trouver la bonne distance, quoi. Quand on raconte une histoire, c'est de trouver la bonne distance, quoi. C'est toujours, il me semble que c'est ça, la bonne histoire, c'est qu'on a trouvé la bonne histoire, la bonne distance, pardon. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Jasmine? Est-ce que vous avez des questions? Ou même, peut-être plus que des questions, est-ce qu'il y en a qui ont vu, qui ont des réactions? Qui a vu Jasmine? Ouais. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à Jasmine? Est-ce que vous voulez pas? Est-ce que je trouvais ça intéressant d'avoir justement aussi pas forcément des questions? Et comme je pense que c'est un film un petit peu honnête, c'est un petit peu marqué, voilà, d'avoir quelques questions. Une question. Vous dites qu'il faut avoir une distance, mais vous n'aviez pas peur d'être trop distant, justement. Comment est-ce que vous avez su la distance qui serait la meilleure pour pouvoir faire votre film sans être trop distant face à votre esprit et sans être trop dedans pour pouvoir voir ce que vous faites. Paradoxalement, la bonne distance, quand je l'ai dans les doigts, c'est pas de souci, quoi, elle est vraiment là. Mais quand je suis obligé de la raconter, parce qu'en fait, on est dans un métier où tout passe par l'écrit, là, pour la raconter, j'avais besoin de dire Pierre ou Jean-Pierre ou je sais pas quoi. Enfin, mais quand je disais Alain, je me dis, voilà, ça fait un peu. Ça fait trop. Ça gâchait un peu la chose, quoi. Et voilà, c'est plus. Mais bon, je sais pas si c'est très important, mais. C'est quand on est trop près d'une histoire, en fait, il faut retrouver la bonne distance. Je reviens à ça, je crois. Quand on a trouvé la bonne distance, ça vient tout seul, en fait. C'est vraiment comme la relation à la pâte, quoi. C'est quand à un moment on est bien, hop, elle vient toute seule, tout se met en place, quoi. Le personnage, il est là, on a bien modelé, elle a pris la bonne température, et puis ça part tout seul, quoi. Puis des fois, ça marche pas, quoi. Pourquoi c'est. Il faut recommencer, quoi. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps. C'est-à-dire qu'il faut se donner le temps, finalement, pour que l'histoire vienne à nous et. Justement, cette distanciation, trouver le bon équilibre. Oui, l'aller-retour. Tout est une question d'aller-retour. Au moins dans ce film-là, ça a toujours été un aller-retour. Hein, le fait de prendre. En préparant ce projet, c'est à la fois. Moi, je voulais faire un cadeau pour elle, mais un cadeau complètement inventé par moi, mais qui était complètement. Elle était complètement. C'était indispensable qu'elle soit là, quoi. Et donc, cet aller-retour entre elle et moi, c'était vraiment important. Je montre juste, une image, voilà, pour voir. Donc, encore une fois, voilà, cette complicité. Est-ce qu'il y a aussi le rapport à le dialogue avec d'autres personnes? Par exemple, le dialogue avec les producteurs, avec l'acteur, avec en disant là, peut-être que t'en fais trop, ou enfin là, peut-être remets-toi là, mets le jeu, mais enfin, il y a vraiment un dialogue nécessaire avec d'autres personnes. Ah oui, bien sûr. Oui. Ah oui, ça c'était tout le long avec la déco, avec. Là, j'ai souvenir la déco, par exemple, on voit des emballages de polystyrène, mais. Que je dis au chef déco, on va faire une ville avec des décors. Les décors, je les ai envoyés, ce sont des boîtes de polystyrène, des trucs qu'on trouve partout, là, les trucs d'emballage. Il m'a regardé, j'ai encore son visage étonné, il me dit comment. Et donc je suis rentré chez moi, j'ai collé des boîtes et tout, je dis ouais, ça serait un truc comme ça, quoi. Et puis après, c'est marché tout seul, quoi. Il m'a fait une ville magnifique, en fait. Mais c'est toujours un aller-retour, bien sûr, oui, il y a toujours ça, quoi. Après, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire des travelling? Enfin, il y a toutes des choses qui se jouent là-dessus. Avec le producteur, c'est pareil. Après, c'est une relation de personne, quoi. Je sais pas, j'ai travaillé avec Serge Jaloux, il est plus incisif, quoi. Alexandre Cornu, qui m'a suivi tout le long du film, il est plus à l'écoute, en fait, il est plus dans une écoute. il n'est pas. Comment dire, voilà, c'est des relations très différentes. Quoi. C'est une relation de personne à personne. Quoi. Il n'y a pas de. Est-ce que ça répond à la question ? Est-ce que tu. Est-ce qu'on enregistre ? Est-ce que tu as eu l'idée dès le départ de faire des visages comme ça non individualisés, pré-stylisés ? Ce qui est, je trouve, une très bonne idée parce qu'on se projette d'autant plus dans les, dans les personnages qui n'ont pas de traits de façon particulière ? Ou est-ce que c'est venu un petit peu plus tard avec d'autres essais ? Non, c'est venu assez naturellement. C'est parce qu'en fait, je voulais vraiment qu'ils soient qu'en pattes, en fait. Je ne me voyais pas leur mettre des yeux, des cheveux, des. Toi, c'est vraiment des personnages de pattes, quoi, en fait. C'est vraiment le. Et même les premiers, je me rappelle l'échelle, en fait, tous les premiers films, c'est des personnages qui n'ont pas d'yeux, quoi. C'est vraiment, j'ai, en mettant les doigts. Et que cette forme quasi abstraite. Je trouve que c'est pas mal, quoi. Alors après, c'est emmerdant parce qu'il s'arrêtait sur une mauvaise image, elle est mal éclairée. En principe, je mettais toujours une lumière au-dessus pour que ça en fasse les yeux. Désolé. Non, mais c'est pas grave. Et oui, et dans cette forme abstraite, je trouvais que ça correspondait assez bien à quelqu'un qui a sa mémoire dans ses mains, quoi. Et ça me paraissait bien d'avoir ça, quoi. Mais je sais pas si c'est bien réfléchi, mais je n'ai jamais retrouvé. Genre petit déjà je dessinais, j'arrivais pas à trouver un personnage à Mickey ou quelque chose qui me focalise. Et j'avais toujours ces personnages qui n'étaient jamais seuls, toujours en bande ou en foule ou en troupe. Il fallait qu'ils soient plusieurs. Quoi. Et à la fois comme les. Comment on peut dire ça? Un truc qui me faisait rire, je n'ai pas creusé là-dedans, mais il paraît quand on dessine une série de moutons, ils sont tous très différents. Quoi. Et donc, quand on voit des moutons, on se dit, c'est des moutons. Ben non, ils ont tous des traits différents, et donc on peut les reconnaître. Et là, c'est pareil, je trouve que c'est... Est-ce que aussi le fait de ne pas avoir de visage par rapport à cette distanciation et à la fois cette force du personnage, ça sert aussi, finalement, on se positionne aussi nous-mêmes dans ces personnages-là? Oui, mais dès qu'on raconte et en montrant celui qui porte le récit, donc forcément il devient un héros, quoi, entre guillemets, donc il a toute cette force du récit, donc quand il a peur, on a peur. Et puis là, la situation, c'est comme c'est répondu, c'est un film écrit à deux voix, quoi, une et l'autre, donc on voit toujours ou l'un ou l'autre, quoi, donc ça reste... Qu'importe qu'il soit abstrait, quoi. Là, c'était pas très important qu'il soit abstrait, hein. D'autant plus que la vie est abstraite, tout est abstrait là-dedans, hein. Les lettres sont à moitié effacées, toutes les archives, elles ont passé 30 ans dans une cave, donc elles sont un peu toutes dépassées. Et donc, ça me semblait intéressant de rester dans cette forme d'abstraction, quoi. On voit personne et à la fois tout est dit, quoi. Et je me rappelle avoir montré, c'était au Forum des images, en fait, j'avais montré le film a une copine de l'époque de Jasmine qui m'avait présenté Jasmine. Et à la fin du film, elle m'a dit « Oh, c'était super, j'ai revu Ex de l'époque. » J'ai pas réagi sur le coup, mais je me suis dit « Tiens, elle a reimaginé le... » Donc voilà, je trouve... Puis même dans mon histoire, en fait, c'était important. Enfin, je voyais pas où ils pouvaient revivre leur amour, là, si ce n'est dans cet amour qui avait eu lieu il y a 30 ans. S'il revit aujourd'hui, ça pouvait être que dans un lieu abstrait, par des formes abstraites. Il n'y a que là, que dans un décor complètement inventé, il n'y a que là qu'on pouvait concevoir de retrouver. Voilà, j'ai répondu. Ah bon, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On ne va pas trop tarder, mais une dernière petite remarque. Question. On parlait de distance tout à l'heure. Oui. Moi, je n'ai pas ressenti. Bon. Pas mon histoire, mais je trouvais que vous étiez très présent dans le film. Et d'ailleurs, il y a un moment où elle le dit elle-même, par rapport à l'histoire d'amour, que ce n'est pas la distance qui va faire que l'histoire va s'arrêter. Mmh. Hein, donc on revient sur la distance, et la preuve, c'est que le film est là. Donc il n'y a plus de distance, même si c'est 30 ans après, l'histoire est toujours présente. Oui. Très présente. Ouais. Bah, c'est des moments de vie, quoi. Après, ces moments de vie restent présents tout le temps, quoi. Ça n'empêche pas de vivre autre chose et de profiter de grands moments ou d'en vivre d'autres, mais C'est un peu avec, comme avec nos enfants, quoi. On a des grands moments avec eux, puis après, on s'aperçoit qu'ils sont déjà très grands, qu'ils font déjà d'autres choses. Mais bon, ça reste, ces moments-là, ils s'arrêtent, quoi. Mais j'ai pas, j'ai répondu à votre question. C'était comme une histoire d'amour très forte. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et qu'on ressent dans le film. Oui. Et si c'est 30 ans après, ben, on n'a pas l'impression que ces 30 ans sont vraiment passés, quoi. Ils sont partis. Il n'y a pas de distance pour moi. Non, non, il n'y a pas de distance. Hein. Non, non, c'est encore très, très frais, mais c'est transformé, quoi. C'est transformé, en fait. Avec le temps, il y a des choses qui se sont gommées, qui sont... Oui, la mémoire, voilà, elle a fait son travail de sélection. c'est, ça reste des moments forts.